Chapitre 4. Un quart d'heure plus tard, consternés, les lèvres saignantes, nous étions réunis sous les palmiers, nous hâtant, autant que nos membres là et notre état fébrile nous le permettaient, de nous équiper à la légère. J'avais bu, enfin, et quelque peu réconforté, j'avais échappé à l'affreux délire, cause de la perte de Lina. Par phrase saccadée, car aucun de nous n'a pour l'heure la parole facile, Lucio m'apprend que le rio d'Amatlan coule à un quart d'heure de marche de la lisière du bois, mais que forcé d'avancer pas à pas parmi les arbres à cause de l'obscurité, il leur a fallu, à José et à lui, pour ne pas s'égarer, une heure pour l'atteindre et autant pour revenir en arrière. Rentrés dans la plaine, ils aperçurent en avant d'eux Severino qui nous guettait, qui semblait ignorer leur présence, et l'idée leur vint de s'espacer, de le prendre à l'improviste entre deux feux. Surpris, il avait fui. Mais l'apparition inattendue de Yaha sur sa gauche, la mienne en dehors de l'ombre des palmiers, avait failli amener la capture du bandit sauvé par son adresse à diriger son cheval. Hélas, l'audacieuse manœuvre de Lucio et de José avait tourné contre nous, jeté Lina inconsciente entre les bras qui la convoitaient. En dépit du sommeil qui nous sollicite, de la fatigue qui nous tient courbaturés, nous nous mettons en route, lents, gauches, les yeux clignotants et douloureux. Yaha, le plus résistant d'entre nous en dépit de son âge, prend les devants, serré de près par son petit-fils. Nous les suivons à distance, Lucio et moi, et bien que ce soit pour nous une fatigue, nous ne pouvons nous empêcher de parler de Lina, de nous communiquer nos terreurs. Yaha et José, silencieux, ne soufflent mot de ce qu'ils redoutent, mais leurs regards anxieux sont éloquents, serrent le cœur. Lorsque mon guide ou moi prononçons le nom de notre jeune compagne, les deux Indiens se retournent. Quelle lueur au fond de leurs yeux, quelle expression sinistre sur leurs traits contractés. Si nous rejoignons le misérable que nous poursuivons, c'est un homme mort et Lucio, je le sens, ne sera pas le dernier à le frapper. Au lieu de gagner directement le bois, nous suivons le chemin pris par Severino, chemin dont un bouquet d'arbres ne nous permet de voir qu'une moitié. Ce bouquet, le fuyard l'a contourné en le serrant de près, ainsi que nous le faisons. José s'arrête, met un genou en terre, examine. Se sentant hors de notre atteinte immédiate, le fuyard a ici ralenti son allure. Mais la trace de l'un des pieds de derrière de son cheval est maculée de sang, et l'arrêt du vaquero n'a pas été volontaire. Sa monture est blessée, grièvement blessée. Ces arbres, à peine dépassés, un renflement sur la plaine attire notre attention. Nous retrouvons des forces, nous courons, et bientôt nous savons la vérité. Atteint par une de nos balles, affaibli par une copieuse perte de son sang, le cheval a ici trébuché, est tombé, a expiré. Il est harnaché, pourvu de sa valise, signe que son maître compte revenir en cet endroit. Notre ennemi est à pied. Il doit porter Lina, dont nous ne trouvons aucune trace, et ce fait ranime nos espérances, notre ardeur. Nos cœurs battent et fiévreux, nous continuons notre route et nos investigations. Vite lassé par son fardeau, le ravisseur a délié les pieds de sa prisonnière, l'a obligée à marcher. Elle l'a fait à petits pas, a souvent défailli, car nous retrouvons de loin en loin sur l'herbe l'empreinte de son corps. Un fait certain, c'est que l'avance que le vaquero peut avoir sur nous est insignifiante, que nous sommes assurés de la rejoindre à bref délai. Aussi Yaha et José, toujours en avant, tiennent déjà leur couteau. Lucio, qui respire plus à l'aise depuis qu'il sait vivante celle qu'il a crue morte, ne cesse plus de me parler d'elle. Il m'énumère une à une ses qualités, ses gentillesses, ses grâces. Le matin du jour où il l'a vue pour la première fois, il l'a aimée. Et le soir venu, il était déjà résolu à la demander pour femme, comme il l'est encore. Il m'a choisi pour parrain de noces. Il croit devoir m'en prévenir. Soudain, le pauvre garçon se tait, pâlit. Épouse Lina sortant des bras d'eux, ses dents grincent, son poing se lève, il se redresse avec énergie et dit, frappant la terre du pied et regardant le ciel, « Eh bien oui, quand même, après l'avoir vengé. » Oh, le beau cri d'amour vrai, aveugle, profond, éperdu, chez cet homme simple, chez ce croyant dont les yeux sont mouillés. Je le prends dans mes bras, je l'étreins, je l'approuve, puis je me remets en marche. Et les minutes, les secondes valent en ce moment des heures, pouvant empêcher le crime redouté. Nous avons atteint la lisière du bois et, quelle que soit notre hâte, C'est maintenant pas à pas qu'il nous faut avancer dans le dédale des arbres, bien que, pour ne pas perdre les traces qui nous guident, nous ayons coupé et allumé les branches de pin qui nous servent de torches. Ces traces, soit qu'il ait porté sa victime, soit qu'il l'ait entraînée, le ravisseur n'a eu le loisir ni de les dissimuler, ni de les effacer. Nous sommes sur le bord de la rivière. Le bandit a-t-il pu la traverser? Non. Nous nous taisons. J'appelle, puis recueillis et nous écoutons. Nous sommes à chaque pas arrêtés par des lianes, souvent forcés de revenir en arrière. J'appelle sans me lasser, inquiet du silence. Enfin, je découvre à ma gauche un sillon tracé dans les hautes herbes. Je le suis, continuant à crier, et des gémissements, des plaintes m'arrivent. J'entends, non sans surprise, appeler Lina. Le premier, j'aperçois Severino appuyé contre un arbre, se tenant la tête entre les mains. Yaha, José, Lucio se précipitent, l'entourent, lèvent à la fois leurs couteaux. Je m'interpose, je lutte, je prie, j'ordonne de respecter, jusqu'à nouvel ordre, la vie du coupable. Le vaquero tend ses bras pour se protéger en s'entendant menacer, et nous poussons un même cri d'horreur devant sa face hideuse, qui, éclairée par nos torches, nous montre deux orbites vides, nous coulent du sang, deux orbites qui n'ont plus d'yeux.